بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل في هذه الليلة في باب الذكر عقب الصلاة. On continue durant cette nuit le sous-chapitre concernant le dhikr après la salat. وقد رأينا بالأمس أن الراجح في مسألة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هو استحباب رفع الصوت بالذكر. On a vu hier donc que l'avis le plus juste concernant le sujet est-ce qu'il faut élever la voix en faisant le dhikr après la salat, on a vu que l'avis le plus juste c'est il faut élever la voix, donc faut le faire ce dhikr à voix haute. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة من كتاب معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وعن إضاعة المال وعن كثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات Et donc selon Warrad, Mawla al-Mughira ibn Shu'ba, qui dit que al-Mughira, il lui a donc demandé d'écrire, de faire un écrit pour Muawiyah, stipulant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à la fin de chaque prière obligatoire, il disait la ilaha illallah, Wahdahu la sharika lah. Et donc, nulle divinité en dehors d'Allah ne mérite l'adoration. Il est le seul. Il n'a aucun associé. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui appartient la royauté et vers lui reviennent les louanges et il est capable de toutes choses. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Ô Allah! Personne ne peut retenir ce que tu donnes. Et personne ne peut donner ce que tu as retenu. Et celui qui a une grosse part, sa part ne lui sert à rien contre toi. Et donc c'est que sa part, la part, c'est l'hav, une personne qui a une grande part ici-bas, beaucoup d'argent. Tout ce qu'il a ne lui sert à rien face à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il continue en disant, donc, Warrad, il dit, donc, je suis parti voir Muawiyah, donc, pour lui transmettre cela. Et je l'ai entendu ordonner aux gens de faire cette invocation. Et dans une narration, il interdisait les ondits. Qu'il wa qal, il interdisait les ondits. Et le gaspillage de l'argent. Et le fait de beaucoup demander. Et la désobéissance envers les mères. Et le fait de tuer les jeunes filles, le fait d'enterrer les jeunes filles vivantes, et le fait man'in wahat, le fait d'être avare, de ne pas donner, mais de demander, le fait d'être avare, de ne pas donner, mais de prendre des gens, man'in wahat. هذا الحديث أيها الإخوة مشتمل على فوائد. Ce hadith, ô mes frères, il comprend beaucoup de leçons profitables. منها أولا أهمية التوحيد. Premièrement, l'importance du tawhid. Les gens qui nous disent, vous parlez trop de tawhid, vous parlez trop de tawhid, vous parlez trop de tawhid. Fal muslimu yusalli wa yasjudu lillahi ta'ala wa yad'u rabbahu wa yufrid lahu al-ibada. Le musulman, il prie, il se prosterne pour Allah ta'ala. Il fait un acte d'adoration exclusivement pour son Seigneur. Fa idha intaha min hadhihi al-ibada. ومن هذه الصلاة التي أخلصها لله تعالى فإنه يدعوه بهذا الذكر المشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. Et donc lorsque le musulman a fini cet acte d'adoration, cette prière qu'il a vouée exclusivement pour Allah, lorsqu'il a fini cela, il commence cette invocation qui comprend les trois types de tawhid. Yakulu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et donc il dit, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, le seul sans associé. Fayuthbitu al-ibadata lillah wa yanfiha amma siwa. Il va donc affirmer l'adoration pour Allah et la rejeter pour tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nata'ajjabu min qawmin yusalluna li awliyaihim thumma yajlisuna ba'da as-salati wa yadhkuruna hadha adh-dhikr. Il est surprenant de trouver des personnes qui vont prier pour leur awliya, pour leur wali, ils vont prier pour eux et après la prière ils vont se poser et faire ce dhikr. La ilaha illallah. Ya akhi anta mutanaqid. Tu te contredis. Tu te contredis. Il est important que tu fasses ce dhikr en comprenant ce que tu dis, en méditant sur ce que tu dis. Thumma yad'u Allah ta'ala bi hadha ad-du'a. فَيَكُولُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شِئِنْ قَدِيرٌ. Et donc, ensuite, le croyant, il continue cette invocation, et il dit, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شِئِنْ قَدِيرٌ. À lui appartient la royauté, vers lui reviennent les louanges, et il est capable de toutes choses. عَلَيْنَا أَن نَكُولَ هَذَا الْكَلَمْ وَنَثِكُ بِهِ. L'Ifka, nous devons prononcer cette parole, et en ayant confiance en cela. C'est pas tu prononces, tu te poses après la salat, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Et tu sais pas ce que tu dis, tu n'as même pas confiance en ce que tu dis. Est-ce que vous savez que cette parole, elle est énorme, elle est grandiose cette parole? Fa anta taqul inna al-mulka lillah. Et donc tu dis que la royauté tout entière appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan Allah tabaraka wa ta'ala yaf'alu ma yurid fi hadha al-mulk. Et donc Allah, il fait ce qu'il veut dans ce royaume. Il fait ce qu'il veut. Wa la yu'jizuhu shay. Et rien ne peut lui être impossible. Huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de faire toute chose. Tu dois avoir cette ferme croyance. فلا ينبغي لنا أن نيأس من رحمة الله. Et donc il n'est pas convenable que l'on désespère de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. مهما اشتد البلاء. Peu importe la difficulté de l'épreuve. Tu es dans une épreuve difficile, tu es éprouvé, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il est capable de tout et ce royaume est le sien. فالمهم أن تخاف الله تبارك وتعالى وتطيعه. Et donc ce qui est important, c'est que tu aies peur d'Allah Azza wa Jal et que tu lui obéisses. أما ما يفعله الناس لإطفاء نور الله تعالى فالله متم نوره تبارك وتعالى. Et donc en ce qui concernant le fait, ou du moins concernant ce que font les gens pour éteindre la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne t'inquiète pas, Allah azza wa jal parachève sa religion, sa lumière, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Les gens rusent, ils rusent, chaque jour ils viennent nous voir avec un nouveau truc. Ne t'inquiète pas pour ça. El muhim anta, concentre-toi sur ta relation à toi. Est-ce que toi, tu obéis à ton Seigneur? Il y a des gens, ils sont plus concentrés sur, ah, qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui dans les infos contre les musulmans? Ah, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore aujourd'hui sur l'islam? Islamisme ou je sais pas quoi, si séparatisme, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Il est plus concentré sur ça que sur ta'allam aqidata, que sur le fait d'apprendre sa aqida, sur le fait d'apprendre comment prier, sur le fait d'apprendre comment adorer son Seigneur. Yahri, concentre-toi sur ce qui t'est profitable, toi, ta relation entre toi et ton Seigneur. Voilà ce dont tu as besoin. Voilà ce dont tu as besoin. Et ensuite, il dit, Allahumma la mani'a lima a'tayt. Voilà, mu'ti à l'imam manat. Oh Allah, personne ne peut retenir ce que tu donnes. Et personne ne peut donner ce que tu retiens. Wallahi ya ikhwa. Law kunna ba'd as-salawat nadhkuru hadha adh-dhikr muta'ammilin fi ma naquluhu ma waqa'a kathirun min ikhwanina fi hadhihi al-wadha'if al-muharrama allati waqa'u fiha. Par Allah, mes frères, si on prononçait cette parole, cette invocation après la salat, en méditant dessus, beaucoup de nos frères ne seraient pas tombés dans ces emplois interdits dans lesquels ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la pauvreté. Yahi, anta ta'rif law anna Allah ta'ala yu'ti 'abdahu shay'an la ahad yastati an yamna'a. Mon frère, si Allah Azza wa Jal, il donne quelque chose à son serviteur, personne ne peut l'empêcher, personne. Voilà où ijtama'a man fi dunya, même si tous les gens qui sont sur la terre, sur la dunya, ils s'unissent pour empêcher à la personne d'avoir ce bien. Personne. Walau anna Allah yamna'u 'abdahu shay'an la ahada yu'ti. Et si Allah empêche ou si Allah Azza wa Jal prive son serviteur de quelque chose, personne ne peut lui donner. Personne. Et donc, al-muhim, ce qui est important, ce n'est pas que tu te concentres sur ton patron, le fait de rechercher son agrément ou autre. Recherche l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qui est important, parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Après chaque salat, tu le dis. Comment se fait-il qu'après chaque salat, on le dit et après, on arrive à tomber dans des emplois, à accomplir des emplois qui sont interdits, à délaisser les prières, etc., etc. Non! Tu as la certitude, la croyance, tu fais chaque prière à la mosquée, tu viens et tu fais cette invocation. Mets ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, tawakkal ala Allah. Ensuite, il dit, وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. Et donc, la part de celui qui a beaucoup, cette part ne lui est pas profitable face à Allah. Cette part ne lui est pas profitable face à toi, ô Allah. La personne, elle dit cette parole après la prière. Elle dit cette parole. I'lam ya akhi, anna kulla ma indaka fi hadhihi dunya fa Allah huwa alladhi a'taka iyyah. Sache, ô mon frère, que tout ce que tu as ici-bas, c'est Allah qui te l'a donné. C'est Allah qui te l'a donné. Ta force, ta santé, ton argent, tes enfants, tout ce que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. Wa hadha kulluhu la yanfa'uka in lam takun taqiyan. Et tout cela ne t'est pas profitable. Tout ce qu'il t'a donné, tout ça, ça ne t'est pas profitable si tu n'es pas pieux. Ça ne t'est pas profitable si tu n'es pas pieux. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. Vos proches ni vos enfants ne vous seront pas profitables. Vos proches ni vos enfants ne vous seront pas profitables. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Le jour durant lequel ni bien ni enfants ne seront profitables. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Et donc, on ne doit pas chercher les frères, on ne doit pas être leurré par cette dunya. On veut absolument, il faut absolument réussir. Ici-bas, il faut que j'ai un terrain. Il faut que j'ai une maison. Il faut que j'ai une maison à tant d'étages. Il faut que j'ai une maison près de la plage aussi pour les vacances pendant l'été. Il faut que je suis. Il faut que je. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Et on tombe dans des péchés. C'est pas ça la réussite, les frères. Il faut qu'on se concentre sur ce qui nous est profitable, ici-bas et dans l'au-delà. Puisque tout ce que tu as là, tout ce que tu as, tout ça, ça ne t'est pas profitable tant que tu n'obéis pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Wanzuri la Fir'aoun wa junoudihi. هل نفعه ملكه من الله؟ وقعد فرعون et son armée qu'il avait, est-ce que tout ce royaume qu'il avait, Pharaon, est-ce que tout ça lui a été profitable face à Allah tabaraka wa ta'ala? Non. Non. Faman ant, alors qui es-tu? La tatakabbar. Ne t'emplis pas d'orgueil. Ne sois pas orgueilleux. Obéis à ton Seigneur. Reviens vers lui, repentant. Voilà ce dont nous avons tous besoin. Le fait de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, de lui obéir, de méditer sur ce qu'on dit durant notre prière, après la prière. C'est une tarbiya. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Cette prière, elle empêche de faire les turpitudes et le mal. Comment se fait-il que la personne, elle va faire ses 5 prières? Elle va faire toutes ses prières à la mosquée. Elle fait toutes ses prières, elle fait des prières surérogatoires. Et après cela, elle va tomber dans des péchés à droite, à gauche, péché, péché, péché. Qu'est-ce qui fait cela? Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit, tout simplement parce qu'on n'est pas concentré pendant la prière. Tu es là, tu fais ta prière, hatta tu'addi al-wajib. Tu fais ta prière pour faire ton obligation. Alhamdulillah, j'ai fait mon obligation. Tu fais pas ta prière pour purifier ton cœur. Concentre-toi pendant ta prière. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu récites pendant ta prière? Qu'est-ce que tu fais comme invocation pendant ta prière? Et après la prière, qu'est-ce que tu fais comme invocation? Voilà comment purifier ton cœur et réussir à délaisser tous ces péchés. Particulièrement ici, dans ces pays dans lesquels nous sommes. Vous connaissez ce qu'on appelle Mesbela? Une poubelle. Une poubelle. Mesbela. Qu'est-ce que tu mets dans une poubelle? Les déchets. Tout ce qui est mauvais. Les frères, là où on est, c'est Mesbela tous dounoub. La poubelle des péchés. Tous les mauvais péchés, tout ce que tu veux de mal, tu le trouves ici. Tout ce que tu veux de mal. Tu vis, mon frère, dans une poubelle. Il faut que tu le saches, tu vis dans une poubelle. Si tu ne fais pas en sorte de purifier ton cœur, comment tu veux sentir bon? Comment tu veux avoir une bonne odeur si tu vis dans une poubelle? On a des péchés comme pas possible autour de nous. Et nous, on fait quoi comme cause pour nous purifier? Et on veut sentir bon. Voilà la première cause des frères. Il faut qu'on ait confiance en Allah Azza wa Jal. On fait les causes, on fait nos actes, on fait nos obligations et on médite sur les invocations, sur notre récitation. C'est très important, barakallahu fikoum. On arrête là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on continue l'explication du hadith. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.